Marche, écoute. La vision est pleine. C'est de tout entendre. H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Auditeur, auditrice. Bienvenue. Bienvenue dans ce site qui est unique en Europe, puisque je me situe en Haute-Cerdagne, dans le massif de la Molina, à l'altitude 1888 mètres. Col de la Créouta. Alors, c'est un paysage magnifique. Et je vous propose une carte postale sonore pour traverser ces hauts plateaux parsemés de troupeaux. On se croirait plutôt sur les massifs de l'Altaï, en Mongolie, parce que c'est comme une immense dépression avec des collines de couleurs vertes, rouges, parsemées de massifs calcaires. Tout ceci donne une illusion de plateau désertique avec ses pâturages à perte de vue, totalement sauvage, irréel, avec ce massif du col de la Créouta au creux de la Molina. Thank you. allongé sur cette prairie herbeuse avec le troupeau. Je regagne le GR qui rentre dans le parc national de Cady. Vous y êtes, nous y sommes. Rien n'est silence. Tout un monde invisible et minuscule. Gît dans les herbiers, les prairies, les rochers. Invisible peut-être, mais on peut les écouter. C'est pour cela que parfois je ne comprends pas les personnes qui puissent penser qu'en montagne il n'y a rien. Vous marchez, pas à pas, vous découvrez les sonorités, la musicalité de ces lieux. En fait, vous êtes invité à passer dans ce monde complètement vivant. des pâturages parsemés de genévriers. Des rochers calcaires. Des pelouses alpines. Du vent, des fleurs. Et la vision de ces chaînons côté espagnol qui s'enfoncent derrière le massif de la Sierra de Cadix. Sont couchés sur carrément certaines sur le chemin, d'autres sur les flancs des contreforts de la Molina. Dans la bergerie constituée d'un petit refuge et peut-être mettre d'un abri pour les randonneurs afin de pouvoir gravir le sommet de la Molina par son versant sud. On s'éloigne. Comme aspiré par ce sommet, la couleur est très nuancée. Et en s'éloignant, tout doucement, dans le son de ces troupeaux qui racontent la vie, tout simplement la vie de la montagne. C'est le Chili, pyrénéen, l'altiplano, bolivien, et le Cap-Cyr, c'est le petit Canada. Tout ceci s'étire le long de ces chaînons, de ces vallées secrètes qu'il faut découvrir. Depuis la bergerie, le son vous accueille, le son résonne. Et le son donne raison à l'auditeur de remplacer l'image par l'écoute. Toujours en direct, on s'est bien éloigné de la bergerie. après le passage de l'hélicoptère, après le chant des sonnailles qui s'estompent dans le lointain, derrière mon dos, derrière vos oreilles. C'est splendide, unique. 2000 mètres d'altitude, des sapinières, des pelouses rases, des éboulis calcaires et des dômes qui culminent à 2500 mètres. Couleur ocre, jaune, orange. C'est une vision de l'ailleurs, à quelques kilomètres de chez nous, au final. Voilà, nous entrons dans le cirque, exactement, de la Molina. Vous pouvez le percevoir parce qu'on entend beaucoup de chocards avec jaune qui résonnent. Nous sommes à haute altitude. Et la fluidité de l'espace qui passe entre vos oreilles. Thank you.